passe derrière moi. Puis derrière moi, moi et blanc, c'est mon dit mon lit, puis emmène-moi. Mon parti là, mon pas connaît moi. Mais l'histoire est racontée. Ça vend les hommes mystérieux qui fait ou fait. L'assassin est allé avec moi. L'assassin est allé avec moi. L'assassin est allé avec moi. Mon taillet, moi, dans la cour. L'assassin est allé avec moi. L'assassin est allé avec moi. L'assassin est allé avec moi. Mon taille est mal dans la cour. L'assassin, petit Albert le chambre, mon taille est mal dans la cour.